Abonné à la rue et je laisse pas d'indice. Plus de gamberge, ça joue aux gendarmes et aux voleurs. Pour atteindre d'autres berges, c'est le bazar comme à Clignancourt. Bouleverse les étals, les têtes de zèbres coupées au shit et fumées dans le bocal. Les mâchoires dures comme les pavés, tu me vois arriver, tu dis ave. Car j'en ai trop à te prouver, je t'en ferai baver. Baver comme un pare-brise de flic. Oui, comme le cul d'un RG, tu tapes la flûte. Hey, jouer la vie sans dégâts. Posé dans un love de dingue avec tous mes gars. J'achèterai des couplets de fous sur scène. Tout en claquant mes 10 000 euros par semaine. Je connais l'arnaque et les filles. Celles qui disent oui quand t'as la maille puis la grosse berline. Mais je suis tombé dans une impasse comme de Palma. Mais des gros chèques, il en faut deux par mois. 9-4, personne pourra changer le style du sou. Les mêmes discours en bas des tours. Les bruits qui courent. Les mêmes qui courent, qu'arrêtent les cours. Toujours les mêmes devant la cour. Les mêmes qui se tapent au fond de la cour. Les mêmes discours en bas des tours, les bruits qui courent. Les mêmes qui courent, qu'arrêtent les cours. Toujours les mêmes devant la cour, les mêmes qui se tapent au fond de la cour. En cavale dans les banlieues proches, les mains dans les poches. J'ai feuille un stick, j'suis strict avec du popo qu'accroche. J'suis pour la vodka, la roca, les rendez-vous de la vodka. J'claque mon fric de passage dans les coffres de Moda. Fuck ceux qui renseignent, remplis le formulaire et paye de mon sang. De 0 à 100, j'raverse l'hiver, speed pour prendre le beat. Neutralise le poste de police, le sas, rentre dans les halls sans passe. Ok mec, on est là au sud. Official quand j'lui dis que mes potos viennent du sud. Sur la plaque 9-4, mes négros à l'arrière bouge leur pastèque. On fonce dans un plan de bar, y'aura du people comme au village. Et du son du 2001. Plus on est fou, faut pas croire qu'on joue. Si tu cherches, on t'arrache la joue. En bas des tours, j'ai connu les je t'ai dit avant toi, mais t'en veux le mérite. Les j'ai pris les ascenseurs pour mes toilettes et mes nerfs chouches. Je respecte ceux qui ont la reconnaissance d'avoir des amis. En bas des tours, les gens voyagent pour mettre distance à leurs ennuis. Mais t'as des problèmes, ok, ils viennent s'ajouter d'autres problèmes. Mais ça pose problème, si t'amuses plus d'assumer la vie que tu mènes. Et toi t'évolues pas, mais ta consommation si. T'as l'impression d'être debout, mais t'es tous les jours assis. En fait, je te prends pas au sérieux, t'es de passage dans ce monde. Dans l'égarement, beaucoup croient en savoir plus que d'autres. Comme tous. Faut pas que tu deviennes ce que ton pote poto veut faire de toi. En bas des tours, lui n'est pas toi, n'aie confiance qu'en toi, OGB. Les mêmes discours en bas des tours. Les bruits qui courent, les mêmes qui courent, qu'arrêtent les cours. Toujours les mêmes devant la cour, les mêmes qui se tapent au fond de la cour. Les mêmes discours en bas des tours, les bruits qui courent, les mêmes qui courent, qu'arrêtent les cours. Toujours les mêmes devant la cour, les mêmes qui se tapent au fond de la cour. Génération ciblée par ce compte Sarko. Des cartes CRS à la sortie nos cercos. En bas des cours, trop de vis, trop de soldats, c'est l'armée de terre. Respect aux missionnaires, l'Espagne, qui craft dans leur four comme un Nanterre. Que des braquards, des trains, vite drame, pierre cociné. Sans de canon, kilogramme, on s'assassine, on trouve calciné. Fasciné par les faux, les créés des anciens. Que du clairement mon parloir, habillé en chien. Fort tempérament surhumain. On pas de matour, un rêve avec un surin en main. Là où les bonnes meufs comptent sur une main. On perd la boule, à la vue d'un gros boule. On déboule, même si c'est un gros cajou, on lui met une cagoule. Éclate ton grec, son mot hardcore. On maghrébin, on a le mort sur les ports, bien, c'est en arme après un. On assiste à des descentes aux pompes qui font courir 100 mecs, battent leur corps du 100 mètres. C'est violent pour les plus lents et les blessés ont du mal à 100 mètres. Forteresse inviolable, quartier de bâtard. A 86 truffé de radar. Beaucoup d'accolades mais beaucoup de haddards. Tu connais le refrain. Ça fout l'angoisse quand on parle de ton avenir à 20h sur TF1. Une puce falche sous règle au portable. On parle avec toi que si c'est rentable. Calme que devant les matchs de foot sur le câble. On encourage les plus jeunes à garder le cartable. Pas de neuf au sommaire. Le juge nous baisse toujours dans la position du missionnaire. Au turbin, fanatique de la gâchette. Des banquettes, des on sent, des reculs en vachette. Quand on arrive tu nous sens. À 4 km au sud de Paris de chez longtemps. Sans ouvrir la braguette.